quickly God throw some few things and we close. Amen. Amen. Ihr seid willkommen in Jesus Namen. Vous êtes les bienvenus au nom de Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Our concentration must be Christ. Unsere Konzentration muss Christus sein. Und notre concentration doit être le Christ. Amen. Amen. Amen. Christ wants us to be perfect. Christus will, dass wir vollkommen sind. Le Christ veut qu'on soit parfait. Just like he is perfect. So wie er vollkommen ist. Tout comme lui-même est parfait. We are not supposed to be different. Wir sollten nicht anders sein. Et on ne doit pas être différent à sa personne. It is true, naturally we are different. Stimmt, natürlich sind wir anders. C'est vrai que physiquement, naturellement, nous sommes différents. Amen. Amen. In Christ Jesus, we must be one. In Christus Jesus müssen wir eins sein. Sollten wir nicht anders sein als er. Mais en Jésus Christ, on doit être un, on ne doit pas être différent de lui. Amen. Amen. It is true naturally. We're not different people everywhere. Ich weiß, natürlich gesehen, wir sind unterschiedliche Leute. C'est vrai que physiquement, on est tous, nous sommes tous des personnes différentes. Amen. Amen. But once it comes to Christ, there's nothing like different. Wenn es um Christus because geht, it's just one, which is Christ. Gibt es keinen Unterschied, denn es gibt nur eins, Christus. Amen. Mais quand il s'agit du Christ, il n'y a pas de différence parce qu'il s'agit seulement du Christ. Amen. Amen. He wants us to be perfect. Er will, dass wir vollkommen sind. Il veut qu'on soit parfait. Amen. Comblé. You know, naturally, they will say, people will always say, no man is perfect. Natürlich gesehen würde man sagen, kein Mensch ist perfekt. Have you ever heard the word? Yeah. No man is perfect. Le monde nous dit que personne n'est parfait. But Christ said, you know, he in Matthew 5, verse 48, he said we must be perfect. Matthäus 5, Vers 48, wir sollen vollkommen sein. Mais dans Matthieu 5, verset 45, il nous dit qu'on doit être parfait. Praise the Lord. Alléluia. He said we must be perfect. Wir müssen vollkommen sein. Il dit qu'on doit être parfait. Matthieu 5, 48. Matthieu 5, 48. Matthieu 5, 48. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And so also we must be the same. Et c'est la raison pour laquelle on doit être... On doit être égal. On doit être le même. Amen. We must be the same. Wir müssen gleich sein. On doit être le même. We should never be different from one another. Wir sollten nicht anders als wir sollten nicht unterschiedlich sein. Il ne doit pas avoir de différence entre l'un et l'autre. If everything is really the concentration is really Christ. Yes, we'll be no different. Aber wenn die Konzentration wirklich auf Christus liegt, wird es keinen Unterschied geben. Parce que si nous sommes tous vraiment concentrés sur Jésus-Christ, il y aura pas de différence. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Verse 48, he said, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Praise the Lord. Yeah. He said we should be perfect. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il nous dit qu'on doit être parfait. Amen. Amen. What made up a man is his motive, his desire, his focus. Amen. Amen. Well, that's what makes up a man. It's action, reaction. Ein Mensch, if they are all Christ, then we are the same. Ein Mensch besteht aus seinen Taten, aus seinen Handlungen, aus seinen decision Gedanken, and everything. Aus seinen Entscheidungen. Daraus entsteht er. Und wenn wir in dem allen Christus sind, gleich sind, dann sind wir auch gleich. L'homme est le résultat de ses décisions, de ses désirs, de ses choix. C'est ça qui forme ton identité, qui forme un homme, une personne. If we allow everything to be Christ, we will never be different from one another. Wenn wir zulassen, dass all diese Dinge Jesus sind, dann werden wir auch niemals anders sein voneinander. Mais si on permet que toutes ces choses sont le Christ, il n'y aura pas de différence entre nous. You know, what makes us different? What we love, what we hate. How we take decisions. The decision we take. Action and reaction. If they are now Christ alone, then there's no difference. Wenn all diese Sachen Christus alleine sind, unsere Vorlieben, unseres, was wir tun, was wir gerne nicht tun, wenn alles Christus ist, dann werden wir auch gleich sein, weil wir alle Christus als all das haben. Donc si tout le monde, si nous tous on désire le Christ, nos réactions, nos actions sont le Christ, nos choix sont le Christ, il n'y aura pas de différence entre nous. To be perfect means our motive, desire, focus must be Christ. Vollkommen zu sein heißt, dass unser Fokus, unsere Wünsche Christus sein müssen. Être comblé, être parfait veut dire que tout ce qu'on désire, notre concentration est le Christ. To be perfect means to value Christ alone. Vollkommen zu sein heißt, Christus allein zu schätzen. Donc être parfait veut dire de seulement valoriser le Christ. We are not after what man and religion call reward. Wir sind nicht hinter dem, was der Mensch und Religion Belohnung nennt. Et on cherche pas ce que le monde ou la religion appelle récompense. Look at Matthew 5 from verse 27. Matthäus 5 von 27. Matthieu 5 verset 27. Amen. Amen. He said, you have heard that it was said by them of all time, that shall not commit adultery. But I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It means without Christ we cannot even shaffle. Das heißt, ohne Christus sind wir alle verloren. Vous avez appris qu'il a été dit que tu ne commettras point l'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ça veut dire que c'est impossible de le faire, de ne pas commettre l'adultère sans Jésus-Christ. Yeah, he's saying just thinking of it at all. Tu should einfach nur darüber nachdenken. Il s'agit seulement de parce que ici il est écrit que si tu y penses, tu l'as déjà fait. Macht uns schon zu Tätern. Then who can be perfect? Wer kann dann vollkommen sein? Qui peut être parfait alors? Are you getting it? Amen. Amen. Verse 29. Verset 29. And if your right eye is offended, pluck it out and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of your members should perish, and not that your whole body should be cast into hell. But if your right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of your members should perish, and not that the whole body should be cast into hell. It has been said, whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of the divorcement. But I said unto you, that whosoever shall put away his wife, save for the cause of fornication, causeth her to commit adultery. And whosoever shall marry her, that is divorced, committed adultery. Hey. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. Praise the Lord. You know, yeah, we just read. Ce que vient de lire. Amen. Amen. Here the Lord is saying, without him, we can never be perfect. Der Herr sagt ganz klar hier, dass ohne ihn können wir nicht vollkommen sein. Éternel nous fait comprendre, nous fait voir que sans sa personne, sans lui-même, on peut pas être parfait. And here it's not about even the natural. It's not about the natural, but the spiritual. Es geht hier nicht um das Natürliche, sondern um das Geistliche. Et ici, il s'agit pas du naturel, mais du surnaturel, de l'esprit, du spirituel, pardon. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Here, you know, here we just read, it's not about the natural, it's about the spiritual. C'est nicht das Natürliche, sondern For example, that of fornication. Wie Unzucht beispielsweise. Et encore une fois, ce qu'on vient de lire, il s'agit du spirituel et pas du naturel. Pour exemple, l'exemple avec l'adultère. That of marriage. Das mit der Ehe beispielsweise. L'exemple du mariage. Are you getting it? Non, verset. Amen. He says, except fornication. Außer Unzucht. Ignoring Christ. Rejecting Christ. That's fornication. Ignorieren, zu verweigern, das ist Unzucht. Parce qu'il nous dit que ignorer le Christ, ça c'est déjà commettre la fornication, être un adultère. And keep on saying no to Christ Jesus. Und immer wieder Nein sagen zu Christus Jesus. Et quand on continue à dire non à Jésus Christ. You know, here he's telling us that without With man, it's impossible. Die Stelle sagt uns, mit den Menschen ist es unmöglich, Christus zu folgen. Ouais. Avec, et seulement, quand t'es seulement to live this charnel, dieses vollkommene Leben zu führen, t'es pas capable à vivre une vie comblée, une vie parfaite en Jésus-Christ. We are coming back here, please. Mark 10. Go to Mark 10. Markus 10. Mark 10. Mark 10, verse 26 and 27. Markus 10, 26 und 27. Marc 10, versets 26 et 27. And then we astonish of out of measure, say, among themselves, who then can be saved? Praise the Lord. Alleluia. You know, with Christ, you know, once you hear the words, the message of Christ, you will ask this question, who then can be saved? Mm-hmm. Who then can be perfect? Hörst, wirst du dich fragen, wer kann dann vollkommen sein, wer kann dann errettet sein? Parce que quand tu vas entendre la parole du Christ, tu vas te demander, mais qui peut être sauvé? Christ's standard is so high. Le standard von Christ ist so hoch. Parce que le standard du Christ est si haut. No one can achieve it without him. Niemand kann es ohne ihn packen. Parce que personne peut arriver à ce niveau, à ce standard, sans sa personne, sans lui-même. Is somebody getting it? Verse 27, Jesus looking upon them said, with men it is impossible, but not with God. For with God all things are possible. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. To be perfect. Être parfait. With man is impossible. C'est impossible avec l'homme. But with him, with Christ, all things are possible. Alles möglich. Mais avec Jésus-Christ, avec avec Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Go back to Matthew 5, please. Matthieu 5. Matthieu 5. Vers 27 à 28. Matthieu 5, 27 et 28. Matthieu 5, versets 27 et 28. He said, you have heard that it was said by them of old time, that shall not commit adultery. But I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Who can fulfill this without Christ? Who can be perfect without him? Again, the natural world, people always say no one is perfect. It is true. Dans le monde naturel, on dit toujours que il y a personne qui est parfait, et ils ont raison. Amen. It is true because they are without Christ. Es stimmt, weil sie ohne Christus sind. Ils ont raison parce que eux, ils sont sans le Christ. We just read that in Mark 10, he said, with Christ, with him, all things are possible. Wir haben Markus 10 gelesen, dass mit ihm alles möglich ist. On a lu à Mark 10 où il est écrit que avec lui tout est possible. Matthieu 5, from verse 33, please. Matthieu 5, verset 33. It said, again, you have heard that if it has been said by them of old time, that shall not for sure yourself, but shall perform unto the Lord thine oaths. But I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's truth, nor by the earth, for it is his footstool, neither by Jerusalem, for it is the city of the great king. Verse 36. Neither shalt thou swear by your head, because thou canst not make one hair white or black. Praise the Lord. Amen. Verse 37. 37. But let your communication be yea, yea, nay, nay. For whatsoever is more than this cometh of evil. Praise the Lord. Amen. You know, here that we just read again, here the Lord is, you know, Christ is saying to us, don't argue with them. Christus sagt hier mit uns, dass wir uns nicht don't argue with anyone. Nicht diskutieren sollen mit irgendjemandem. Ici, le Christ veut nous dire qu'on ne doit pas discuter avec quelqu'un. Amen. Pas vraiment se justifier. Are you getting it? Don't argue with anyone. Let the truth be the truth. On doit vraiment apprendre à ne pas discuter avec quelqu'un parce que la vérité est la, va rester la vérité. If they allow you to preach to the truth or they give them the truth, give it to them. If they say no, just leave them. Don't argue with anyone. Donc si eux ils t'autorisent de prêcher, donne la vérité, dis la vérité, mais il ne faut pas discuter avec quelqu'un. You cannot argue anyone into the kingdom of heaven. Du kannst niemand in das Königreich rein diskutieren. Pour que quelqu'un puisse entrer dans le royaume des cieux, tu ne peux pas discuter avec la personne juste afin qu'elle puisse entrer. Are you getting it? You know, a lot can argue. They are, you know, they are these Calvinists, all this, what do you call it again? Jehovah's Witness. They can argue. Don't argue with anyone. They have the right to choose hell and go there. Donc on va voir beaucoup dans différentes dénominations. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le qui sont capables à discuter, mais nous ne sommes pas comme eux. Nous on ne discute pas parce que eux ils ont chacun le droit même aussi de partir en enfer comme ils veulent. Your parents, your friends, or whoever they might even want to argue. Don't argue with anyone. Are you getting it? Don't argue with them. You cannot argue anyone into the kingdom of heaven. It comes by revelation. Aber lass das nicht zu, denn du kannst niemanden in das Königreich diskutieren. Es kommt durch Offenbarung. Tes amis, ta famille, tout le monde voudra bien discuter avec toi pour te dire que ce qu'ils savent, c'est mieux. Mais tu ne peux pas discuter jusqu'à ce que les gens puissent entrer dans le royaume des cieux. Ça vient c'est pour entrer dans le royaume des cieux, pour comprendre... le royaume des cieux, ça c'est une révélation. If they are ready to listen to the truth, give it to them. If they are not ready, just leave them. Wenn sie bereit sind, der Wahrheit zuzuhören, dann gib sie ihnen, aber wenn nicht, dann lass es einfach sein. Si eux ils sont prêts à écouter la vérité de l'Éternel, là tu peux le dire, mais s'ils sont pas prêts, tu dois les laisser. Remember John 6. Erinnert euch an Johannes 6. Rappelez-vous à Jean 6. Allah left Jesus. Viele haben Jesus verlassen. Il y avait for revealing the truth to them. Weil er ihnen die Wahrheit offenbart hat. Il y a eu beaucoup de gens qui ont abandonné Jésus-Christ parce qu'il les a révélé la vérité. He never tried to win them to himself. Er hat sie nicht versucht, sie zu erobern. Mais Jésus-Christ n'a jamais essayé de leur oui, de leur gagner leur oui. Amen. He never argued with them. Convaincre. Oui, il n'a jamais essayé de leur convaincre parce que lui, il n'est pas la personne qui discute avec les gens. I'm going today. I want to win them to himself. No. Et il n'est pas là pour discuter avec lui ou bien les convaincre qu'il a raison, des histoires comme ça. Look at verse 37 again. Verset 37. Let your communication be yea, nay, nay. For whatsoever is more than this cometh of evil. That was exactly how he communicated with them. Hat er mit ihnen kommuniziert? Et c'est comme ça que les gens ont communiqué avec lui. Just he revealed the truth. Il a toujours seulement révélé la vérité. They just have the right to take it or to reject it. Sie hatten die Wahl, das Recht, es zu akzeptieren oder zu verweigern. Et quand il a dit la vérité, chacun avait le droit de accepter ou bien de rejeter la vérité. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. We don't tell people what they want to hear. Nicht, was sie hören wollen. Nous on ne dit pas aux gens ce qu'ils veulent écouter. We give them what we have. Wir geben ihnen was wir haben. On les donne ce que nous on possède. Which is Christ Jesus alone. Das ist Christus Jesus alleine. Et ce qu'on a c'est Jésus Christ lui-même. From verse 30, look up from verse 38 of Matthew 5. Matthäus 5. Verset 38 de Matthieu 5. He said, "You have heard that it has been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth." But I say unto you that you resist not evil. Praise the Lord. Amen. But what whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other also. And if any man will sue thee at the law and take away your coat, let him have the cloak also. Verse 41. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. Mm-hmm. You have heard that it has been said, thou shalt love your neighbor and hate your enemy. Praise the Lord. Amen. But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecute you, that you may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good. Praise the Lord. Hallelujah. And send the rain on the just and the unjust. For if you love them which love you, what reward have you? Do not even the publicans the same? And if you salute your brethren only, what do you more than others? Do not even the publicans so? Praise the Lord. Amen. Amen. Under religion, including Moses, you will expect what man call reward. Unter der Religion, besonders unter Mose, wird man das akzeptieren, was die Welt Belohnung nennt. Et sous la religion, surtout sur la loi de Moïse, tu vas vouloir avoir ce que le monde appelle récompense. He said, we do not greet people because we want them to answer us, to reply us, to reward us. Er sagt, wir grüßen Menschen nicht, damit sie uns zurückgrüßen, damit sie uns belohnen. Il a dit que on n'est pas là en train de dire bonjour à des personnes pour que eux aussi à leur tour ils nous disent bonjour. Donc on ne doit pas s'y attendre à une récompense. Amen. Amen. I've experienced this a lot. You know, if I greet people, they don't answer. Oh, I don't like it at all. Amen. It should not even be a problem to us. Should not be. Because we are not expecting anything from them. Dass wenn ich mal grüße und diese Person mich nicht zurückgrüßt, dass mich das richtig provoziert und ich mir so denke, dann grüße ich die Person nächstes Mal safe nicht. Aber das ist nicht Christus, ne? Das, wir sollten nicht die gleiche Belohnung wie diese Welt erwarten. Et moi aussi j'ai eu cette expérience. J'ai vu que quand moi je dis bonjour à des gens et eux me disent pas bonjour, ça me provoque, ça m'énerve. Mais si c'est pas le Christ, on ne doit pas faire quelque chose pour s'y attendre de quelque chose, non. Praise the Lord. S'y attendre de rien. You know, those you help. Didn't you help? Les personnes que tu aides. Are to help you in return. That is the system of the world. Amen. You know, when you invite, when you are celebrating whatever, you invite them and they also invite you. You know, that is true. That is the system of this world. Dass wenn du sie eingeladen hast, dann erwarten sie auch, dass sie dich einladen. Si par exemple quelqu'un, tu avais invité des gens, toi aussi tu es en train de t'y attendre qu'ils puissent aussi t'inviter à leur fête. Amen. Praise the Lord. Amen. I hope you understand it. You know, our children, we train them to go to school. And later we want rewards from them. We expect reward. You don't train them to go to school for nothing. There's always reward, and which is so evil. Genauso wie unsere Kinder, wir erziehen sie und sagen ihnen, in the natural world is very good. Zur Arbeit gehen sollen. Und wir tun das, damit sie halt uns dann sozusagen wieder einen Gefallen tun. Wir tun das nicht einfach so aus Lust und Dollerei, sondern es hat einen Hintergedanken, das ist eine Belohnung hinter. Denn natürlich ist das klar, aber im Königreich Gottes ist das teuflisch. Donc on voit vraiment que quand tu fais quelque chose pour quelqu'un dans ce monde, dans le système de ce monde, et que tu as toujours le droit de t'y attendre, que tu puisses avoir quelque chose en retour. Donc tu fais, et donc une main lave l'autre main en fait. Ça c'est normal, c'est un adage français aussi. Mais dans le royaume des cieux, c'est diabolique en fait. Tu ne fais pas ça pour que tu fais pas quelque chose pour que tu puisses recevoir. Amen. All the time, you know, whoever we help, we always need the help in return. Immer wir helfen, that's not Christ. Wird die Hilfe auch zurückgebracht, aber das ist nicht Christus. À chaque fois qu'on aide, on est en train de s'y attendre aussi d'avoir une aide en retour, mais ça, c'est pas le Christ. Amen. You know, in Benin, they say, you know, the Benin always say, once you give birth to children, the children will also give birth to you. That's so you help them, they are then I help you. You know, what about those that are without children? In Benin sagt man, die Leute, die are you getting bekommen, it? Irgendwann bekommen diese Kinder dich sozusagen. Sie helfen dir dann, nachdem du ihnen geholfen hast. Aber was mit den Leuten, die keine Kinder haben? Et par exemple, à Benin aussi, ils disent que quand tu as des enfants, tu aides ces enfants, tu les aides aussi à être bien éduqués. Et quand ils vont grandir, ces enfants-là vont prendre soin de toi. Mais alors, les gens qui n'ont pas des enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Amen. Amen. In the kingdom of heaven, we give birth to Christ and Christ gives birth to us. Amen. That's all. That's all. And not to have children. Mm-hmm. Are you getting it? Schenkt Christus uns das Leben und wie schenkt Christus das Leben? Et mais dans le royaume des cieux, c'est le Christ qui nous donne la vie et nous, on donne seulement la vie au Christ. Praise the Lord. Hallelujah. I love the kingdom of heaven so much. Ich liebe das Königreich des Himmels so sehr. J'adore le royaume des cieux. It takes body away from us. Es nimmt uns Sorgen weg. Parce que ça nous libère des fardeaux. It takes stress away from us. Es nimmt den Stress von uns weg. Ça nous libère du stress. It takes worries away from us. Ça nous libère des soucis. Amen. Amen. It takes the rat race of this world away from us. The rat race. Den Wettlauf dieser Zeit, dass wir mit uns mit anderen messen. Competition everywhere. Take it away from us. Messen, das nimmt uns das weg. À travers le royaume des cieux, on n'est plus en compétition avec le monde. Amen. Amen. You might get married after 20 years or 18 years or 25 years, your business. I don't want what you have. All I have, all I want to have is Christ and I'm satisfied with him. You can see the freedom. 25 oder sonstigem Alter, aber ich will nicht das, was du hast, ich will Christus. Und das ist Freiheit. Le monde peut se marier à 18 ans ou 25 ans, mais nous, ce qu'on veut, c'est pas ce que le monde veut, mais nous, on veut seulement le Christ, et ça, c'est être libre en Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alleluia. You know, people are counting their blessings. Leute, I'm naming them one by one, but you can only count Christ Jesus. Amen. He's bigger than everything. Learn to count him alone. Le monde va réciter compter tous ses bénédictions, mais nous, notre seule bénédiction est Jésus-Christ lui-même, et cette bénédiction, c'est la plus grande qu'on peut avoir. Amen. Amen. If they are counting, yes, you know, I have good job. You say I have also. And what is the job? Christ Jesus. Mm-hmm. I have children, and I have also. What is the who are they? Christ Jesus. Amen. I have whoever parents outside there that are there for me. I have also. And who is this person? Who are they? Christ Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. As they count theirs, count yours also. Amen. Vermeintlichen Segen aufzählen, so zählst du deinen auf. Und wenn sie sagen, ich habe auf, sagst du, ich habe auch auf. I have Osma. Ich habe Christus. It's Christ Jesus. Wenn sie sagen, ich habe Ehe, dann sagst du, ich habe auch eine Ehe, ich habe Christus. Ne? Also, dass du halt einfach immer Christus in all diesen Sachen siehst und erkennst. Amen. Amen. Et si le monde nous dit par exemple, ouais, j'ai un bon travail, toi aussi tu peux répondre que toi aussi tu as un bon travail. Et si tu te demandes qui est ton travail, qu'est-ce que tu fais, ta réponse est Jésus-Christ lui-même. La même chose s'il te demande, si le monde te dit que ouais, je suis marié, j'ai une femme, j'ai des enfants, toi aussi tu peux aussi répondre et dire que tu as les mêmes choses. Et quand ils vont te demander qui sont ces personnes, tu vas leur répondre aussi que c'est Jésus-Christ. Quand le monde vient réciter ses bénédictions, toi aussi tu dois leur montrer ta bénédiction, et la bénédiction est seulement Jésus-Christ. Amen. Be ye therefore perfect. Verset 48. Even as your Father which is in heaven is perfect. It is a command that we are perfect. C'est un Befehl, dass wir vollkommen sein sollen. C'est un commandement qu'on doit être parfait. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And how to be perfect? We can see. It is by allowing it to be Christ in us. Wenn wir vollkommen sind, sehen wir, dass Christus alleine ist. Et on est seulement parfait quand on permet qu'il s'agisse seulement du Christ lui-même et de rien d'autre. Matthieu 19, verset 21. Praise the Lord. You see that? Praise the Lord. He wants us to be perfect. Il veut qu'on soit parfait. Il veut qu'on soit parfait. Amen. He wants it to be him alone. Il veut que c'est alone. Il veut qu'il s'agisse seulement de lui-même. Jesus said unto him, the door will be perfect. For you to be perfect before me, go and sell that thou hast. It's not about money alone. Amen. Ouais. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Are you getting it? Mm-hmm. Allow me to be above everything. That's what you allow me to stay in that room. Donc en autre mot, Jésus-Christ lui dit, permets que moi je suis, que je sois au-dessus de toutes choses dans ta vie. Allow me to be number one. That's what you number one plan. Permets que je sois le numéro un dans ta vie. Amen. Mm-hmm. If thou will be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come and follow me. Praise the Lord. Alléluia. It means it must be me alone. Donc ça veut dire qu'il ça doit, il doit choisir, s'agir seulement de Jésus-Christ. Amen. Amen. You know, this very place, a lot of God's children is giving them problems a lot. This very place. He said, go and give. And give to the poor. What they call the poor. Et ce passage, cet verset donne beaucoup de problèmes aux enfants de Dieu, aux religieux. Dans la deuxième partie de cette verset, il est écrit donne tout aux pauvres. You know what religion a man called poor? Poor people. Ce que la religion et le monde appellent pauvres, les pauvres. It's always about the outside. Là, il s'agit toujours de l'extérieur. Look at what Jesus said concerning wealth. Luke 12. Et on va lire Luc 12 et on va voir ce que Jésus-Christ comment Jésus-Christ définit la richesse. Man's life and wealth. Das Leben der Menschen und der Reichtum. La vie des êtres humains et leur richesse. Luke 12. Proverbs 13. Luke 12, verset 13. And one of the companions said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me. The inheritance of our father. Das Erbe unseres Vaters. The wealth of our father. Der Reichtum unseres Vaters. Non, là, ici, il s'agissait de partager l'héritage. Our father's money. L'héritage de. De maybe the houses, everything. Das Geld unseres Vaters. Amen. Das Haus, vielleicht die Autos. He's talking, yeah, we are talking about the natural wealth. Hier geht es um den natürlichen Reichtum. On peut voir qu'ici, il s'agissait d'un. Un héritage physique, un héritage naturel qu'on trouve ici sur Terre. And he said unto him, Man, who made me a judge 14. Or a divider over you? Praise the Lord. Ah, verse 15 is very important. Et verset 15 est très important. And he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consists not in the abundance of the things which he possesses. Amen. Praise the Lord. Alleluia. It's not about what man calls wealth. Et on peut voir ici, il s'agit pas de ce que l'homme appelle richesse. Amen. It's not about what man and religion call wealth. It's not so also. It's not about what man and religion call poor. Das geht auch schon das, was Menschen und Religion Armut nennt. Ouais. Donc s'il s'agit pas de ce que l'homme et la religion appellent richesse, il s'agit pas non plus de ce que l'homme et la religion appelle pauvreté. You better beware of where your money go to. Donc tu dois être conscient et faire attention où ton argent est. You better beware of where your money go to. Tu dois vraiment faire attention à qui tu donnes ton argent. If it is not Christ, it will be Satan. Aber wenn es nicht Christus ist, wird es der Satan sein. Es ist eins der beiden. Ouais, parce que si c'est pas le Christ, ça va être le diable. Amen. Amen. A lot of time, unknowingly, we celebrate Satan. Very often, zelebrieren wir den Satan mit ihnen. Et souvent, unbewusst. Souvent on célèbre le diable inconsciemment. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Oh. I can remember somebody that was here years ago. Ouais, je me rappelle d'une personne qui était ici il y a quelques années. She came here and gave testimony of how she was helping the poor family. Elle avait donné un témoignage comment elle était, comment elle aidait sa famille qui était pauvre. And we have to know we help her to understand that it's not about helping people. It's about being there for Christ. And she was offended. Et on a fait comprendre qu'il ne s'agit pas d'aider le monde, les hommes, les gens pauvres, mais plutôt d'être là pour le Christ. Mais elle a été offensée par ses paroles. Amen. Amen. In 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13. If you give your body to be burnt, it profits you nothing. Même si tu donnes ton corps comme sacrifice, ça va pas te bénéficier. Verse 3. 1 Corinthians 13, verset 3. And don't you bestow all your goods to feed the poor. And though I give my body to be burned, and have no charity, it profited me nothing. Mm. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. A lot, you know, here the Bible is telling us that people give their money to Satan. They give their body, they give their money to Satan. Leute Geld ihren Körper für Satan geben. Et si on peut voir que le monde, que les gens peuvent vont donner tous leurs biens ou alors vont même donner leur corps pour qu'il soit brûlé, mais c'est en vain. Amen. C'est pour le diable. Ah, ils le font pour le diable. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people give their money to Satan in many ways in the name of poverty. Leute geben ihr Geld Satan auf unterschiedliche Weise im Namen von Armut. Et les gens donnent leur argent en plusieurs manières différentes sous le terme de pauvreté. They give their money to Satan in many ways in the name of war. Sie geben ihr Geld Satan. People are suffering, people are dying. Weil Leute sterben und leiden. Mm. Le monde donne son argent au diable en pensant qu'ils le font par charité pour par exemple quand il y a une guerre quelque part parce qu'il y a des famines des sans-abri, des trucs comme ça. They give their money to Satan in many ways in the name of a natural disaster like earthquake. Also sie geben ihr Geld dem Satan im Namen von Umweltkatastrophen oder verschiedenen Dingen, die ihnen passieren. Et ils vont aussi donner leur argent pour aider des gens qui sont dans une région où il y a eu un tremblement de terre, par exemple. Amen. They give their money to Satan in many ways in the name of these people are orphans. Sie geben ihr Geld und sagen, unter verschiedenen Mitteln, beispielsweise, dass diese Menschen zum Beispiel Waisenkinder sind und dass man ihnen deswegen helfen will. Le diable aussi vole de tant de personnes quand les gens veulent, par exemple, aider les orphelins. Amen. Amen. Also in the name of widow, they give they celebrate Satan, they are there for Satan. Selbst im Namen von Witwen, in the name of widow, in the name of homeless people. Oder auch im Namen von obdachlosen Menschen, dass sie dann halt Geld für die Obdachlosen. De même quand il s'agit d'aider, par exemple, les veuves ou les sans-abri. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. They are evil before Christ. Das ist bösartig vor Christus. Mais tout ça est mauvais devant le Christ. Amen. Amen. You know, Allah only give money food. viele geben nur Geld oder Essen. Beaucoup donnent de la nourriture ou de l'argent. But here the Lord said, if you even give your body, aber you know, money, food, and you know, your body is different. Your life is different. If you give your life today, it profits you nothing. Wenn du ihm selbst sein Leben gibst, nützt es dir nichts. Mais ici, on peut voir que si tu peux même donner ton corps, si tu ne le fais pas dans la charité de Jésus-Christ, ça ne te sert à rien. Amen. Because it is without Christ. Weil es ohne Christus passiert. Parce que tu peux le faire, mais tu le fais sans le Christ. Amen. Both sides must be Christ. Beide Seiten müssen Christus sein. Les deux côtés doivent être le Christ. Amen. Amen. They must choose Christ, and then you can be deaf. Parce que les deux côtés doivent avoir le Christ, et seulement là tu peux aider l'autre personne parce que tu vas aider le Christ. Amen. Amen. You are there for them because it is all about Christ for them, and not because they are dying. Ils n'ont Christus qui donne pas de sterben. Donc on doit être là pour les gens parce qu'il s'agit pour du Christ, pas parce qu'ils sont en train de mourir. Beware of the good of this world. Nimm dich in Acht vor dem Guten dieser Welt. Tu dois vraiment te mettre en garde en face du bien de ce monde. It is just so evil. Es ist einfach so bösartig. Parce que ce monde est vraiment mauvais. Praise the Lord. Alléluia. If you are of the good of this world, you are against Christ. Wenn du für das Gute dieser Welt bist, bist du gegen Christus. Ouais, parce que si tu es pour le bien de ce monde, si tu veux faire le bien de ce monde, ça veut dire que tu es contre le Christ. Let us learn to love what he loves and hate what he hates. Lass uns lernen, das zu lieben, was er liebt, und das zu hassen, was er hasst. Donc on doit vraiment apprendre à aimer ce qu'il aime et à détester ce qu'il déteste. And what he calls evil, let us learn to call them evil. Was er bösartig nennt, lass uns lernen, auch bösartig zu nennen. Es ist sehr wichtig. Et ce que lui il appelle mauvais, on doit aussi apprendre à l'appeler mauvais. Don't be quiet when you see evil. Call it evil. Was böse nennst, nenn es böse. Ne sois pas tu ne dois pas te taire quand tu vois quelque chose qui est mauvais. Tu dois dire que c'est mauvais. Praise the Lord. Alléluia. I quickly go through here, then we go. We just let me see. Okay. Praise the Lord. Alléluia. There are two types of sin on earth. Es gibt zwei verschiedene Arten von Sünden auf Erden. Il y a deux types de péchés ici sur terre. And the Lord hates both. Und der Herr hat beide. Et l'Éternel déteste les deux. Two types of sin on earth. Zwei Arten von Sünden auf Erden. De manière de pécher ici sur terre. The Lord hates both. Der Herr hat beide. Et notre Seigneur déteste les deux. 1 John. 1 Jean. Praise the Lord. First John 5. 1 Jean 5. Verses 17 and 18. Versets 17 et 18. He said, all unrighteousness is sin. And there is a sin not unto death. Amen. Amen. It means there is a sin unto death and there is a sin not unto death. Es gibt eine Sünde zum Tod, eine Sünde, die nicht zum Tode ist. Toute iniquité est un péché, et il y a tel un péché qui nous mène pas à la mort. Donc, ça veut dire qu'il y a un péché qui nous amène à la mort et un autre péché qui nous amène pas à la mort. Amen. Amen. And these two, you know, the two, the Lord hates both. Und beides, der Herr hasst beide. Mais l'Éternel déteste les deux péchés. Ja, yeah, the natural sin and the spiritual sin. Die natürliche Sünde und die geistliche Sünde. Il y a le péché naturel et le péché spirituel. In verse 18 of 1 John, look at verse 18. The verse 18 talks about our protection. 1 Johannes 5:18. In Vers 18 geht es um unseren Schutz. Et verset 18 va nous montrer parle de notre protection. 1 John 5:18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. You can see, it's talking about protection. Es geht um den Schutz. Our protection. Unseren Schutz. Nous savons que Quiconque est né de nouveau, est né de Dieu, pardon, ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc on peut voir qu'il s'agit de protection. He said, we know that whosoever is born of God sinneth not. But he that is begotten of God keepeth himself. And that wicked one toucheth him not. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. He said, if you are really born of Christ, you will always watch before you leap. Genau. Wenn du wirklich zu Christus gehörst, dann wirst du schauen, bevor du springst. Et si tu appartiens vraiment au Christ, tu vas d'abord regarder, checker tes alentours avant de sauter. Amen. If you are really born of Christ, you will prove all things. Wirst du alles prüfen. Amen. Si tu es vraiment né de Jésus-Christ, tu vas tout examiner. Don't be one with those that are not choosing Christ. Ne sois pas un avec les gens qui ne choisissent pas Jésus-Christ. It is for your protection. C'est pour ta propre protection. Just talk about it here. Il parle pour ta protection. C'est de ça qu'il parle ici. C'est pour ta protection. Amen. C'est pour ton bien. Are they choosing Christ, those you are going to be one with? Die Leute, mit denen du eins sein willst, wählen sie Christus. Les gens avec qui tu veux être un, avec qui tu vas être un, est-ce que ces gens choisissent vraiment Jésus-Christ? Are you getting it, please? It is not enough that you choose Christ. Are they choosing Christ? Was weiß ich nur, dass du Christus wählst, sondern wählen sie auch Christus? Parce que c'est pas suffisant que toi tu choisis Jésus-Christ, eux aussi doivent choisir Jésus-Christ. Are you getting it? Yes, you know, a lot of us, Satan have been stealing from God's children because they still, you know, they want to choose Christ. They will always say, I choose Christ. But those you want to be one with, you want to do business with, or we want to have anything with, connection with, are they choosing Christ? Yeah. Weil wir sagen immer, dass wir Christus wählen, dass wir in Christus sind, aber die Leute, mit denen du diese Verbindung knüpfen willst, mit denen du gemeinsame Sache machen willst, wählen diese Menschen Christus Jesus. Donc c'est vraiment important que pas seulement toi tu es en Christ, mais les gens avec qui tu fréquentes, avec qui tu veux faire du business par exemple, est-ce que ces gens aussi choisissent vraiment Jésus-Christ? Don't have anything to do with Satan, please. Hab nichts mit Christus zu tun. On n'a vraiment rien à voir en commun. Achso, Entschuldigung, hab nichts mit dem Satan zu tun. On n'a vraiment rien à voir en commun avec le diable. Amen. For Satan to still kill and destroy the so-called God children is so easy. Es ist so einfach, für den Satan zu töten, stehlen und zu zerstören. Parce que c'est vraiment facile pour le diable de voler, détruire et de tuer. Satan we call with the name of spreading the gospel. Weil der Satan wird im Namen von, wir wollen das Evangelium verbreiten. Der eins mit ihnen, das Evangelium zu verbreiten. Parce que le diable peut venir, il va te dire, ouais, sois un avec eux afin de prêcher l'évangile. Satan will tell you, but you just choose Christ. Doesn't matter who they choose. Wähl du einfach Christus. Wenn sie wählen, ist egal. Hauptsache du wählst Christus. Le diable va te dire, ouais, toi choisis Jésus-Christ. Ceux que, si eux choisissent pas Jésus-Christ, c'est pas ton problème. It is deadly, please. Es ist tödlich. Mais c'est mortel. Don't have any business with Satan. Hab kein Business mit dem Satan. C'est très important de ne pas avoir affaire avec le diable. Verset 19 de toujours de 1 Jean 5. He said, we know that we are of God, and the world, and the whole world, lived in wickedness. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We know we are of Christ. But a day of Christ. Nous, on sait qu'on est du Christ, mais est-ce qu'eux, ils sont du Christ? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Who they choose matters to you a lot. Wen sie wählen, ist sehr wichtig. Für dich. Sollte wichtig sein für sie. Parce que qui ils choisissent doit être vraiment important pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because it's chain reaction. Was eine Kettenreaktion ist. Parce que c'est une réaction en chaîne. Amen. You will worship Satan, knowing and unknowing. Du wirst anfangen, Satan zu anzubeten, wissend oder unwissend. Parce que tu vas commencer à glorifier le diable, consciemment ou inconsciemment. That you don't know that they are Satan does not mean Satan cannot do his job. Nur weil du nicht weißt, dass sie Satan sind, heißt nicht, dass der Satan nicht sein Werk vollbringen kann. Parce que juste parce que tu sais pas que eux ils sont le diable, ça veut pas dire que le diable peut accomplir son but. It is like electricity. Amen. You know, if electricity is naked, the wire is naked, that you don't know that it will shock you, it can kill you, does not mean it cannot do its job. Nur weil du keinen Physikstudium gemacht hast, heißt es nicht, dass du keinen Blutschlag bekommen kannst. Auch wenn du es nicht verstehst, wird es dich dennoch dir schaden. Wird es dir dennoch schaden. Just parce que tu sais pas ce qu'est le feu, ça veut pas dire que le feu va pas te brûler. Praise the Lord. Hallelujah. Who are you one with, please? Wem sind wir eins? Avec qui es-tu en communion? Who are you planning to be one with? Wem planen wir eins zu sein? Avec qui tu veux être un? Which business are you going for? Welche Geschäftsideen haben wir? Welche Geschäfts Pläne wollen wir durchführen? Quel projet as-tu avec ces personnes? Who knows your heart so much? Wer kennt dein Herz so gut? Qui connaît vraiment réellement ton cœur? Who do you pour everything out before? One time you see him or her. Wem schüttest du dich komplett aus, wenn du diese Person auf diese Person? That person will know you more than Jesus knows you. Diese Person kennst du sogar besser als Jesus. À qui tu te confies totalement? Est-ce que tu te confies à un homme plus que tu te confies à Jésus-Christ? So watch and pray. Wir sollen beten und wachsam sein. On doit être attentif et prier. Amen. Watch and see. Wachsam sein. Sehen, ob sie sich für Jesus Christus entscheiden, ob sie ihn wählen. On doit observer et voir si ces personnes choisissent vraiment réellement Jésus-Christ. Are you getting it? Praise the Lord. Alléluia. Again, in 1 John 5, verse 17, he said, there is a sin not unto death. Again. He said, there is a sin not unto death. Encore une fois, 1 Jean 5, verset 17, il y a tel un péché qui ne mène pas à la mort. What man and religion call death? As the mention religion tot nennen. Et ce que l'homme et la religion appellent la mort. And what Christ called death are not the same. Was Christus tot nennt, ist das gleiche. Et ce que le Christ appelle la mort sont n'est pas la même chose. Praise the Lord. Alléluia. There are two types of sin. Es gibt zwei Arten von Sünde. Il y a deux types de péchés. The natural sin and the spiritual sin. Die natürliche Sünde und die geistliche Sünde. Le péché naturel et le péché spirituel. Learn to hate both. Lerne beides zu hassen. Amen. On doit vraiment apprendre à détester les deux. Amen. Amen. That Jesus died for the natural sin does not mean you don't hate it. Nur weil Jesus für die natürliche Sünde gestorben ist, heißt das, für die natürliche Sünde nicht hassen sollen. Juste parce que Jésus-Christ est mort pour le péché naturel, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas détester le péché naturel. Amen. Amen. But it's not the difference between the two, the spiritual and the natural sin. Ken, was ist zwischen der geistlichen und der physischen Sünde? On doit vraiment connaître la différence entre le péché naturel et le péché spirituel. Jesus died for the natural sin, Jesus for us. Ist für die natürliche and not for the spiritual sin. Für die geistliche. Jésus-Christ est mort pour le péché naturel, pas pour le péché spirituel. Amen. Amen. What man and religion call sin is the natural sin. What Christ calls sin is the spiritual sin. Was der Mensch Religion Sünde nennt, ist die natürliche Sünde. Ce aber que was Christus Sünde nennt, ist die geistliche Sünde. Ce que l'homme et la religion appellent péché et le péché naturel, mais ce que Jésus-Christ appelle péché est le péché spirituel. He did not die for what he calls sin. For you. Er ist nicht für das gestorben, was er Sünde nennt für dich. Il n'est pas mort pour le péché, pour ce que lui-même appelle péché pour toi. Amen. You learn to you just choose him. That's how you get rid of those sins. Du wählst ihn einfach und so this, wirst du diese spiritual sin. You chose him. You chose Christ. You don't ignore Christ. Him. You don't reject him. That's how you. That's how to destroy that sin. Are you getting it? That's how you get rid of that sin. Tu veux les sin de l'os. Et c'est quand on choisit Jésus-Christ, c'est comme ça que on commet pas de péché spirituel. C'est en choisissant Jésus-Christ, c'est comme ça qu'on s'écarte du péché spirituel. All the natural sin, he took care of them. All the natural choses, darum hat er sich schon gekümmert. Parce que lui, il a déjà pris, il s'est déjà occupé. Il est mort pour les péchés naturels. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est déjà pris, ouais, il a déjà pris ses problèmes en charge. Praise the Lord. Hallelujah. The root is rejecting and ignoring Christ. Not believing him is the root. Christus zu verweigern, zu ignorieren, das ist die Wurzel. La racine est de croire ou de ne pas croire. De croire en Jésus-Christ. Praise the Lord. Et pas de l'ignorer dans sa façon. Amen. All the natural sins have their spiritual part. Alle natürlichen Sünden haben ihren geistlichen Part. Parce que chaque péché naturel a son origine spirituelle. Amen. What man calls lies is not what Christ calls lies. Der Mensch Lüge nennt sich das, was Christus Lüge nennt. Parce que ce que le monde, ce que l'homme appelle péché, n'est pas ce que Jésus-Christ appelle péché. Ou mentir, pardon. Ce que le monde appelle mentir n'est pas ce que Jésus-Christ appelle mentir. Amen. What man calls stealing is not what Christ calls stealing. Was der Mensch stehlen nennt, ist nicht das, was Christus stehlen nennt. Parce que ce que l'homme appelle voler n'est pas ce que Jésus-Christ appelle voler. Or fornication. Oder Unzucht. Ou alors, ou adultère. Ou fornication. Amen. Or to kill. Oder zu töten. Ou de tuer. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people think that the Lord is after the war in Ukraine, between Russia and Ukraine. Leute denken, dass der Herr hinter dem Krieg zwischen Ukraine und Russland ist. That they are taking bombs and killing people. He's not after that. Ihm geht es nicht. We are already dead before they will kill you. Diese Menschen sind schon tot, bevor sie überhaupt getötet wurden. Le monde croit que pour Jésus-Christ, la guerre en Ukraine est importante. Ou qui considère cette guerre, non, parce que tu es déjà mort avant que ces bombes tombent, avant que tu aies tué par une balle. Si tu n'es pas Jésus-Christ, tu es déjà mort. Amen. Amen. What Christ called lies. Oder was Christus Lüge nennt. Number 13, please. Ou alors ce que Jésus-Christ appelle le mensonge. 4 Mose 13. Don't be a liar. Amen. Number 13. Number 13. Nombre 13. 4 Mose 13. Sei bitte kein Lügner. Ne sois pas un menteur. Praise the Lord. Don't be a liar before Christ. Sei kein Lügner vor Christus. Ne sois pas un menteur devant le Christ. Amen. Amen. Amen. Hate to be a liar before him. Hasse es vor ihm, als Lügner dazustehen. On doit vraiment détester d'être un menteur devant lui. Amen. Amen. You know, if you are saying you are Christ and you are still afraid of everything. Wenn wir sagen, dass wir Christus sind und immer noch Angst und Sorge und Zweifel haben, dann sind wir ein Lügner vor ihm. Amen. Amen. Ouais. Si on dit qu'on appartient au Christ, mais on a toujours des inquiétudes, toujours des soucis, ça veut dire qu'on est un menteur devant lui. Amen. Amen. If you believe you are Christ and you are still comparing yourself and see what you don't have, comparing yourself to them. Then you are a liar before him. Wir uns immer noch mit der Welt, mit unseren Nächsten vergleichen, immer noch beneiden, immer noch begehren, was die Menschen haben, dann sind wir Lügner vor Jesus Christus. Si on dit qu'on a Jésus Christ, mais on désire ce que le monde désire, on veut avoir les mêmes choses que ça veut dire que nous sommes des menteurs devant le Christ. You know if you say you are Christ. And your prayer is to pass your exam. You are a liar before him. Wenn wir sagen, dass wir zu Christus gehören, aber unser Gebet ist, dass wir diese Prüfung unbedingt bestehen möchten, dann sind wir Lügner für Christus. Si on dit qu'on a le Christ, qu'on croit en Christ, qu'on a une relation avec lui et on prie pour passer nos examens, par exemple, ça veut dire que nous sommes des menteurs devant le Christ. Yes. Is somebody getting something? Yeah. Mm-hmm. You liars. You Lügner. Don't be one. On doit connaître les menteurs. On ne doit pas être un avec ses menteurs. Number 13, verse 26. Nombre 13. And they went and came to Moses and Aaron, and to all the congregation of the children of Israel, unto the wilderness of Paran, to Kadesh, and brought back words unto them, and unto all the congregation, and showed them the fruit of the land. And they told him and said, we came unto the land whither thou sendest us. And surely it floweth with milk and honey. And this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong. Is somebody getting something? Mm-hmm. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land. And the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. Verse 29. The Amalek dwell in the land of the south, and the Hittite, the Jebusite, the Amorite dwell in the mountains, and the Canaanite dwell by the sea, and by the coast of Jordan. Verse 30. 30. And Caleb stirred the people before Moses and said, let's go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. But the men that went up with him said, we be not able to go against the people, for they are stronger than we. Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. You can see the liars. Is it you look now? On peut voir les menteurs ici. Are you getting it? Mm-hmm. Don't be a liar before Christ, please. Stop being a liar before him. Mm-hmm. On doit vraiment pas être des menteurs devant le Christ. Le blesse. Praise the Lord. Alléluia. Stop being a liar before Christ. Arrête d'être un menteur devant le Christ. You know what these people were saying? They were all true. Was die Leute gesagt haben, hat gestimmt, natürlich gesehen. Mm. Naturellement, ce que les gens ici étaient en train de dire était vrai. You know, naturally, they can count their blessings. Natürlich gesehen, and name them one by one. Ihren Segen aufzählen und aufzählen, genau, und benennen. Naturellement, les gens sont capables à compter et à nommer leur bénédiction. Naturally, they can count their degree. Natürlich gesehen können sie and they count their children. Ihre Abschlüsse aufzählen, ihre Kinder aufzählen. Naturellement, ils peuvent aussi compter leur enfant et aussi nommer leur diplôme. They can count their money in the bank. You can see it off the bank. Ils peuvent compter leur argent. It says, and the Lord said, look at verse 32. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is land that eateth up the inhabitants thereof. And all the people that we saw in it are men of great stature. And there we saw the giants, the son of Anak, which come of the giant, and we were in their eyesight, in their own sight, as grasshoppers, and so we were in their sight. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. How you see yourself before them? Wie du dich selbst siehst vor ihnen? Comment tu te vois devant eux? You better beware. Nimm dich lieber in Acht. Tu dois être vraiment attentif. Amen. The kingdom of heaven does not function that way. Das Königreich funktioniert so nicht. Parce que le royaume des cieux ne fonctionne pas de cette manière. Amen. Amen. You better beware, please. Nimm dich lieber in Acht. Tu dois vraiment être attentif et faire attention. Amen. Beware, it's not just saying it with mouth. Let it come from your heart. Und sagst nicht nur mit deinem Mund, sondern aus deinem Herzen. That you are really Christ. Dass du wirklich Christus bist. Et ça doit, tu ne dois pas seulement le confesser avec ta bouche, mais aussi le croire dans ton cœur et le confesser avec ton cœur que tu es vraiment le Christ. Don't care about what is coming next. Il soit égal de ce qui va venir. Ne te soucie pas de ce qui va venir après. I don't know if somebody's getting it. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Don't care about what people are going to say. Es ist egal, was Leute sagen werden. Tu dois pas te préoccuper de ce que le monde va dire, ce que les gens vont dire. Amen. Amen. Amen. Are you owing them? What are you owing them? Was schuldest du ihnen? Qu'est-ce que tu Are you owing them something? Schuldest du ihnen irgendwas? Are you owing them your results? Schuldest du ihnen deine Ergebnisse? Qu'est-ce que tu leur dois? Est-ce que tu leur dois un bon résultat, que tu passes ton examen? Oui. Are you owing them your report? Schuldest du ihnen deinen Bericht? Est-ce que tu leur dois ton rapport? Il a told you what ton rapport du médecin, par exemple. Der hat dir gesagt, was du ihnen schuldest. Mais l'Éternel t'a dit ce que tu leur dois. He said, we should owe them nothing but love. Amen. That is Christ. That's all you are owing them. Amen. That's La seule chose qu'on leur doit, c'est l'amour et l'amour du Christ. Donc on leur doit l'Évangile. You are not owing them, telling them any result or any report. Mm. All you are owing them is just Christ. Amen. To preach Christ to them. Bericht zu so allow them to take you to the other side. Lass nicht zu, dass sie that does not belong to you. That you don't even know anything about. You are, you are just a novice there. Take them to the direction. Yes, you are really. That you know that they themselves will look, will hear your voice and they will bow. They will bow before Christ. Lass nicht zu, dass diese Menschen dich wieder runterziehen auf deren Niveau, auf deren Denken, auf deren System, sondern zieh sie eher auf dein System, auf dein Niveau, auf dein Denken und dann werden sie vor diesem Denken, vor diesem System niederknien, weil dieses Denken das System Christus ist. Amen. Donc, on a vraiment très conscience qu'on leur doit pas rien d'autre à part Jésus-Christ. Donc, on doit jamais permettre qu'on se rabaisse encore une fois à leur niveau. Qu'on se rabaisse à leur système. Quand on parle, quand on prêche, on doit leur donner notre identité qui est le Christ. Et si on leur parle de notre manière, avec notre système, leurs genoux vont fléchir devant notre système, devant notre parole, parce que nos paroles sont le Christ lui-même. Look at chapter 14, please. Verse 1. 14, verse 1. Of number. 4. Mose 14, 1. Number 14. Verse 1. Nombre 14, verset 1. It said, and all the congregation lifted their voice and cried, and the people wept that night. They were so worried. Sie haben so viele Sorgen gemacht. I don't know what is giving you sleepless nights. Ich weiß nicht, was dir schlaflose Nächte bereitet, was dir Sorgen bereitet. Ils étaient vraiment vraiment plein de soucis et je sais pas ce qui te donne des nuits blanches. Praise the Lord. We are not going to have it. Tu wirst es nicht because haben. You worry. Weil du dir Sorgen machst. Tu vas pas l'avoir parce que tu te soucies. Yeah. Amen. Please Amen. Just read this chapter 14 as your homework. Yeah. Yeah. Deine Hausaufgabe. Lisez Nombre 14 verset non Nombre 14 si. Tout le chapitre. Donc même 13 et 14 comme vos devoirs et le Saint-Esprit va vous révéler beaucoup de choses ici. They were weeping for what they already had. Sie haben um das geweint, was sie schon hatten. Mm. Ils étaient en toute l'assemblée éleva la voix, poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Donc ils poussaient des cris, or que pour des choses qu'ils ont déjà. And they started fighting those that revealed the truth to them. Und sie haben angefangen, die Leute zu bekämpfen, ihnen die Wahrheit offenbart. Ils ont commencé maintenant à combattre les gens qui leur donnaient la vérité. Amen. You know, you said that the Lord will fix it. Look at it, did not fix anything. You said the Lord will do it. You look at what did he do now? Was hat jetzt gemacht? Exactly what happened here. Genauso ist es auch hier. Die Leute werden alle, die werden angegriffen, weil sie die Wahrheit gesagt haben. Donc on peut voir que chaque personne qui prêche l'Évangile, qui prêche la vérité de Jésus-Christ, va subir la persécution. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. Verset 2. And the whole congregation said unto all them, would God that we have died in the land of Egypt, or would God we have died in this wilderness? Verse 3. And wherefore have the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey. Yet it's not better for us to return into Egypt. And they said one to another, let us make a captain and let us return to into Egypt. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. And Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Phune, which were of them that searched the land, rent their clothes. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we passed through to search it is an exceeding good land. If the Lord delights in us, then he will bring us into this land and give it to us, a land which floweth with milk and honey. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Mm. Please read it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Are you a liar before the Lord? Das war ein Lügner vor dem Herrn. Est-ce que tu es un menteur devant l'Éternel? Amen. The Lord is not after your spiritual and the natural life, though it will affect you. Mm. You are a liar. Are you getting it? If you are so rooted in it, you cannot even believe Christ any longer. Because you are full of it. You are so used to lies. You will even think that the Lord is also a liar. Und an dem Herrn geht es nicht um die physische Sünde, obwohl die physische Sünde dich auch von Christus trennen wird, früher oder später, weil sie dein Herz verhärten wird und du immer wieder rumlügst. No? Pour l'Éternel, il ne s'agit pas de. Pour l'Éternel, il ne s'agit pas du péché naturel. Parce que même si le péché naturel va t'influencer, parce que si par exemple tu es quelqu'un qui ment, tu es habitué à mentir, toi-même tu vas aussi croire que l'Éternel est un menteur. Non. Mais pour ce qui est vraiment important, c'est d'être près de l'Éternel afin de fuir le péché spirituel. Amen. Amen. That is how it is also with love. If you believe that the Lord loves you with conditions, so also you are going to love people with conditions. Yeah. Wenn du glaubst, dass der Herr dich nur bedingt liebt, dann wirst du auch Leute bedingt lieben und nicht bedingungslos. Et c'est la même chose aussi avec l'amour. Si tu crois que l'Éternel t'aime avec une amour connecté à des conditions, un amour connecté à des conditions, donc un amour conditionnel, toi aussi tu vas aimer ton prochain avec un amour conditionnel. Praise the Lord. Alléluia. If you look at Elijah and Elisha. Si tu regardes l'exemple d'Élie et Élisée. Especially Elisha. Besonders and Elijah, the servant. Sein Knecht. Surtout Élisée et son servant. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We have our truth. Wir so they cannot see it. Wir haben unsere Wahrheit und auch wenn sie es nicht sehen können. Yeah. On a notre vérité, même si on ne peut pas le voir. And don't depart from this truth. Le monde. Und weiche nicht von dieser Wahrheit. On a notre vérité, même si le monde ne peut pas voir notre vérité. And don't c'est ça qu'on doit... rester, on doit être raciné dans cette vérité et pas douter cette vérité. Und zweifle diese Wahrheit nicht an. Mm. Amen. Amen. Don't doubt it at all. Zweifle sie auf keinen Fall an. On doit vraiment jamais la douter. Amen. Même pas un peu. Amen. Amen. Walk by that truth. Wandle in dieser Wahrheit, wie Christus Jesus ist. Donc on doit vraiment marcher selon cette vérité qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. You are not saying it to have it. You are saying it because you have it. Amen. Du sagst es nicht, weil du es haben willst, sondern du sagst, weil du es schon hast. On n'est pas en train de confesser des dire des choses pour les avoir. On les dit parce qu'on les a déjà. You are not saying it so that it will become it. You are saying it because it is already it. Wir sagen es, damit es so wird, und wir sagen es, weil es schon so ist. On ne dit pas des choses afin qu'ils se manifestent. On les dit parce qu'ils sont déjà comme ça. Ils sont déjà comme ça. Hate to walk by sight. Hasse es per sich zu laufen. On a vraiment détesté à marcher selon les sens. Hate to walk by situation. Hasse es per Situation. On a détesté d'être influencé par des situations. Amen. Situation is always full of fear. Die Situation ist immer voll von Angst. Parce que si tu marches selon des situations, tu vas marcher selon la peur. It is always full of worries. Voll von Sorgen. Parce que ces situations sont remplies de peur, sont It is always full of panic. voll von Angst. Tu vois son souci de panique. Just remind yourself. Rappelle-toi. Amen. He is in charge of everything. Den ersten Kontrolle von allem. Rappelle-toi qu'il est en charge de tout. Amen. And also James 4:4. It talks about spiritual fornication. Geht es um die geistliche Unzucht? Ouais. Et aussi dans Jacques 4:4, ici il s'agit de fornication spirituelle. Amen. Spiritual fornication. Die geistliche Unzucht. Amen. Let's go there. James 4:4. Jakobus 4:4. Jacques 4:4. James 4:4. Jakobus 4:4. He says, you are adulterer and adulteresses. Know ye not that the friendship of this world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Wissen nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Are they your friend or Christ is your friend? Sie deine Freunde oder Christus dein Freund? Qui est ton ami, le Christ ou le monde? Amen. Now here James he talks about spiritual fornication. Jakobus geht es um die geistliche Unzucht. Dans ce passage, enfin dans Jacques, il s'agit de l'adultère spirituel. Fornication, it means today you are Christ, tomorrow you are not. Das heißt, du bist Christus, morgen nicht. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu es le Christ, aujourd'hui tu es en Christ et demain non. Oh, you know, we are all in the church right now. And we know where all of us, we can see that our focus is just Christ here, right now. But what about maybe later, or maybe tomorrow, or maybe after church? What about after church? Ici, par exemple, on peut voir que nous tous on est en Christ parce que il s'agit du Christ, on est tous concentrés sur Christ, mais comment ton état d'esprit va être quand tu es en dehors de l'église, donc ce soir ou même demain ou après-demain quand tu es au travail. James 1. Jacques 1. Amen. Amen. The liars are always double-minded. Die Lügner sind immer zwiegespalten. Les menteurs sont toujours Also the fornicators. Amen. They sleep with mentalité. Die Lügner sind immer zwiegespalten. Auch die Leute, die Unzucht begehen. Donc les menteurs sont toujours entre deux côtés. Et c'est la même chose aussi avec les gens qui font la fornication. Ils sont toujours jamais sûrs, sont ambivalents, je pense. Ouais, les gens qui sont, ils ont toujours un double esprit, et les gens qui commettent la fornication, par exemple, ils ont aussi, il y a aussi la dualité, parce qu'ils sont d'un côté et après ils sont dans l'autre côté, donc que ce soit naturel, ils sont une femme ou deux femmes. On peut pas dire ambivalent. Hein? Vas-y. Praise the Lord. Alléluia. Amen. James 1:5-7. Jacques 1, le verset 5 à 7. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, not wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Please add verse 8. Amen. A double-minded man is unstable in all his ways. Are you getting it? Mm-hmm. A double-minded man. Amen. Is a fornicator before the Lord. Unzüchtiger vor dem Donc Herrn. Une personne ambivalente, donc une personne avec un double esprit et un fornicateur devant l'Éternel. Just let you learn to let your joy be 24/7. On va vraiment permettre que notre joie règne 24 heures sur 24. Jesus never changed. Jesus hat sich niemals geändert. Parce que Jésus-Christ ne change jamais. He is the same yesterday, today and forever. Er ist der gleiche gestern, heute und für immer. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. If your joy is up and down. Wenn deine Freude immer in hoch und tief erlebt. Mais si ta joie toujours des hauts et des bas. If your rest is up and down. Wenn deine Ruhe immer in hoch und tief ist. Si ta paix a toujours des hauts et des bas. Ton repos, ça veut dire que tu as un double esprit, donc tu es tu commets la fornication. Adultère. Praise the Lord. Alléluia. And also the natural sin, there is deadly as the spiritual sin. Und die natürliche Sünde ist so tödlich wie die geistliche Sünde. Le péché naturel est aussi mortel comme le péché spirituel. Amen. Though they are be paid for. By Christ. Auch wenn es bezahlt wurde, yeah, von Christus. By Christ. Même si le Christ bezahlt. Même si le Christ a déjà payé pour ce péché. They are deadly because of you. Sie sind tödlich wegen dir. Ils sont mortels à cause de toi-même. They will make you to be dead to Christ. Sie werden dazu sorgen, dass du auch tot gegenüber Christus sorgen bist. Parce qu'à cause de ces péchés, tu seras mort devant le Christ. Amen. They will make you not to be serious with Christ. Sie wird dafür sorgen, dass du Christus nicht mehr so ernst nimmst. Parce que ça va à cause de ses péchés, tu seras plus sincère dans ta relation avec Jésus-Christ. Christ will be relevant to you. Christus wird irrelevant sein für dich. Parce que le Christ sera plus de aura plus d'importance dans ta vie pour toi. Amen. In Matthew 13, you hide and sell everything to have it. In Matthäus 13 lesen wir, dass du alles, dass du es versteckst und alles verkaufst, um es zu erlangen. Mm. Et dans Matthieu, on peut voir que si tu trouves cette perle, tu vas tout vendre et cacher cette perle. Amen. Amen. It means you get rid of that lust to have it. Du wirst diese Lust los, um diese Perle zu ergattern. Donc tu vas te libérer de ces envies, de ces désirs afin d'avoir ta perle. Amen. Get rid of those lies to have it. Du wirst diese Lügen los, um es zu erhalten. Donc tu dois te débarrasser de ces mensonges afin de garder cette perle, afin d'avoir cette perle. Get rid of that fornication, double-minded to have it. Du wirst diese Zwiegespaltenheit los, um es zu ergattern. Donc tu vas te libérer, tu vas te délivrer de cette ambivalence afin d'avoir le Christ. Amen. Amen. The natural sins are deadly because of you. The spiritual sins are deadly because of Christ. Die natürliche Sünde ist tödlich wegen dir selbst, aber die geistliche Sünde ist tödlich wegen Christus. Donc le péché naturel est mortel à cause de ta personne et le péché spirituel est mortel à cause du Christ. Amen. Amen. Both will affect your faith. Beides wird deinen Glauben beeinflussen. Mais tous les deux vont affecter ta foi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Know how deadly that natural sin is, please. Wisse bitte, wie tödlich diese natürliche Sünde ist. On doit vraiment savoir à quel point ce péché naturel est mortel.